aujourd'hui, sortons les maillots de bain. Les maillots de bain rouges, s'il vous plaît. Pinaudien, Pinaudienne, amis du monde, et d'ailleurs, surtout amis des ondes, bonjour, c'est Cargo de Culte. Tropicalia, ça c'est le mot magique hein, de toute cette session. Et ça y est, enfin, il était temps, depuis peut-être on n'est pas loin de la centaine d'éditions de Cargo de Culte, pour la première fois, nous allons au Brésil. Excusez-moi du peu, mais c'est un continent de la musique. Quand même, c'est un pays, certes, il est très grand, c'est un continent à lui tout seul de la musique. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, on va se régaler. Et on va rentrer de plein pied dans peut-être le meilleur disque de musique brésilienne jamais composé. Waouh, je me lance. Parce qu'attention, il y en a eu des disques faits au Brésil et il y en a eu des bons, vraiment. Et il y en a toujours. Mais celui-ci, il est complètement pinacle, c'est une pierre angulaire absolument exceptionnelle. Et puis bien sûr, il a en plus une aura totalement maudite, bon, avant d'être finalement devenu un super classique, mais enfin finalement deux générations plus tard. Allez, on le dit tout de go, bienvenue à Caetano Veloso et son album, c'est le cinquième qu'il produira, Arancha Azul, qui date de 1973. Caetano Veloso. C'est l'un des dieux vivants de la musique brésilienne. Si ce n'est le dieu vivant de la musique brésilienne. Plus de 50 albums à son actif, une carrière absolument incroyable et toujours ultra rayonnante, quoi. Et puis c'est le genre de personne qui vous réciterait l'annuaire de la Creuse à l'envers en pensant une corde mal accordée, ce serait absolument génial. Donc on est dans des divinités. Et si je parle au pluriel, c'est parce que Caetano Veloso, c'est quelqu'un qui a été toujours quelqu'un d'extrêmement singulier, mais aussi qui a su s'entourer et qui a su être le porte-parole, peut-être, de quelque chose qui était plus grand que lui. Musicalement, certes, mais aussi politiquement. Et ça, on va y venir assez vite. Musicalement, déjà, c'est grâce à lui qu'on nous dit le mot tropicalia, tropicalisme. Et attention derrière ce petit mot, comme ça, un peu gentil, justement, qui fait penser aux belles plages de Copacabana et puis ses senteurs salées, en fait, se cache une musique beaucoup plus rebelle que ça. On n'est pas du tout dans un exotisme de carte postale, bien au contraire. On est dans une musique sociale, une musique qui s'engage, une musique qui est clairement à gauche. Elle l'est d'autant plus que la junte militaire a pris le pouvoir il y a peu et que, croyez-moi, au niveau de la défense des droits publics et du citoyen, il y a de quoi faire au Brésil à ce moment-là. Restons, et mettons pied tout de suite, tiens, justement, dans le sujet. Allez, en ouverture, je vous offre, c'est même pas un morceau de Caetano Veloso que je vous offre, quoi qu'il en soit l'auteur, il en est même le co-auteur avec Gilberto Gil. Les deux personnages sont très liés, on le verra. Et justement, rentrons dans le plan pied, dans ce qu'on a appelé Tropicalia, dans le morceau qui ouvre l'album Tropicalia. C'est en fait un... C'est la joint venture de ce que peut produire le Brésil le mieux en 1968 et avec des artistes qui vont se confirmer sur la route parce que dans le même album, vous allez entendre Caetano Veloso, ça va de soi, je le citais, Gilberto Gil, mais aussi les Mutantes, Os Mutantes, Gal Costa et Tom Zé. C'est la brochette inouïe des très grands talents du Brésil et du tropicalisme à ce moment-là. Mais 1968, c'est le début, c'est l'amorce d'un truc. Et c'est une amorce qui va mettre le feu aux poudres. Allons-y, du pain et des jeux. C'est exactement ce que dit cette chanson. La licenta et du pain et des jeux. C'est sous le couvert de Os Mutantes, mais toute la bande est derrière, et je vous rappelle, le titre est co-composé par Veloso, rappelle. Thank you. pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço brilhoso um punhal para matar o meu amor. Voilà, c'est le coup d'envoi du tropicalisme. Pardonnez du peu, mais waouh, tout y est, quoi. Et on est en 68. On est en 68, dans un Brésil qui va se régénérer, et à coup de musique et à coup de fulgurance absolument incroyable. Et si j'insiste sur celle-ci, on peut effectivement la dénommer comme la fulgurance première. Et Caetano Veloso, parce que c'est lui le héros du jour. C'est pas les Mutants qu'on entendait là, mais comme je vous disais, c'est Caetano Veloso qui écrit la chanson. En tout cas, il l'a coécrit avec Gilberto Gil. Et l'un et l'autre sont dans les starting blocks à ce moment-là de quelque chose qui va être énorme. Et je pense quelque chose qui va les dépasser. Et pas de leur choix. Précision, explication. Parce qu'ici, la politique croise plus qu'ailleurs la musique. Le tropicalisme, on l'a deviné grâce à ce morceau-là, finalement, c'est la rencontre totalement bénite d'une avant-garde sonore de bruitisme et des Beatles, le tout croisant les effluves de LSD. On est dans la deuxième partie des années 60. Et ma foi, à Sao Paulo et ailleurs au Brésil, mais là, on est plus particulièrement à Sao Paulo, j'ai envie de dire, plus qu'ailleurs. Et de là vont déboucher des musiques qui vont faire buvard, effectivement, avec tout ce qui se passe ailleurs. Ce serait être ignorant que de penser que la musique brésilienne, c'est pas nourri de ce qui l'entoure. Le rock, la pop, le psychédélisme, il est flamboyant à plein à ce moment-là, mais aussi le jazz, le free jazz, la musique concrète, la poésie sonore, le bruit, quand bien même il est loin d'être une esthétique comme il le sera plus tard. Tout est là, tout est en germe, mais plus encore dans le disque dont on va parler. Et ajouter à ça un positionnement politique évident. Tainio Veloso est résolument à gauche. Ça lui vaut plutôt pas mal d'ennuis avec le pouvoir en place. Pouvoir en place qui n'est autre qu'une junte militaire qui a fait un coup de force en 1964. Et cette junte militaire va rester en place jusqu'en 1985. C'est pas rien. Du coup, bah, beaucoup de chansons de Caetano Veloso sont censurées et interdites. Il en voit de même pour Gilberto Gil et d'autres. Mais attendez, Veloso est aussi mis à l'écart de la gauche socialiste brésilienne. Justement à cause de ses influences musicales, qui sont des influences non nationales. Voilà, le rock'n'roll, le psychédélisme, va des rétro, c'est pas brésilien. Oui, c'est la gauche qui parle, hein. Elle savait déjà faire des trucs comme ça. Donc, pour Caetano Veloso, et tout comme Gilberto Gil, des fois ça se passe mal, jusqu'à justement la fin de l'année 1968, morceau qu'on écoutait, la date est de 68, la fin de l'année 1968, c'est exactement le 27 décembre, ils sont tous les deux arrêtés. On a affaire aux deux monstres sacrés de la musique brésilienne. Leur carrière a commencé il y a relativement peu, mais ce sont déjà des monstres sacrés. Ils sont arrêtés pour, insulte à la patrie. Après quelques semaines de détention dans les quartiers généraux de l'armée, ces deux figures de proue sont condamnées à l'exil. C'est la vraie fausse bonne idée, ça. Ils sont condamnés à l'exil et où est-ce qu'ils vont aller ? À Londres. Bien vu, c'est The Place to Be. En 1969, Londres, post-swinging London, tout le monde est là. Led Zeppelin, T-Rex, les Beatles sont encore ensemble et les Rolling Stones plus que jamais dynamiques. Les Who, les Pink Floyd, Jimi Hendrix qui lui vit à Londres maintenant, il a quitté les États-Unis il y a peu pour être à Londres. Un des groupes qu'admire le plus Caetano Veloso et avec lequel il participera, The Incredible String Band. Alors un mot a priori qui résonne un peu moins que les grandes figures que je viens de nommer, mais tout ça se passe là. Les Beatles enregistrent Abbey Road la même année. C'est parfait. À peine arrivé, en tout cas dans les mois qui suivent, Caetano Veloso et Gilberto Gil, puisque du coup, hein, quitte à être exilé, autant rester copains, autant rester ensemble, faire corps, vont se retrouver en spectateurs au fameux festival de l'île de Wight. 600 000 personnes au festival de l'île de Wight, c'est le Woodstock anglais, hein, d'une certaine manière. Ça se passe en 1970, et ils sont pas là en invité, ils sont pas là pour jouer de la musique, ils sont là en spectateur. Ils assistent au concert, Johnny Mitchell, les Doors, Leonard Cohen, Jimi Hendrix, justement. Rien de plus à dire, si ce n'est que ils ont quand même déjà été repérés, et l'organisateur de l'événement va les présenter à la foule. Il va dire « Je connais pas ces gars-là, mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'ils viennent du Brésil, que là-bas, ils peuvent pas s'exprimer, alors qu'ici, ils le peuvent. » Et ils vont se lancer dans un truc improvisé, complètement incroyable. Une session qui va durer une demi-heure, apparemment c'est chaotique, mais qui va enflammer tout le monde. Il n'y a pas de trace de ça, c'est un petit peu dommage. Du coup, il y a une projection et finalement un éclairage sur Caetano Veloso et puis donc Gilberto Gil. Hein, je nomme les deux, il ne faut pas que j'en oublie un plus que l'autre. Je rappelle que Gilberto Gil, sous le gouvernement Lula, c'est bien plus tard, dans les années 2010, va devenir ministre de la Culture. Alors certes, il y a beaucoup d'eau qui coule sous les ponts, mais il y a la même idée qui est derrière, il y a ce même engagement. Retour donc, spécialement à l'île de Wight et à l'immédiat après. Qui va faire que les musiciens sont repérés, ils vont pouvoir jouer assez facilement et enregistrer 10 sur 10. Ils n'arrêtent pas. Puis comme de toute façon Gilberto Gil, tout comme Caetano Veloso peuvent juste prendre une guitare, se gratter le nez, improviser une mélodie et l'enregistrer, ce sera bien. Ça coule. Et il y a pas mal de disques qui sortent comme ça, pratiquement deux par an. Jusqu'à enfin ce retour au Brésil. Et pourquoi ce retour au Brésil ? Je vous ai dit, c'est la fausse bonne idée d'exiler les deux prodiges. finalement, ils sont passés de martyrs locaux, Caetano Veloso et Gilberto Gil, à grande cause internationale portée par la musique, et une musique que tout le monde adore. Commencez par les Beatles, Jimi Hendrix, les Who et Led Zeppelin, si vous voulez. C'est difficile de faire comme si on ne l'avait pas vu, c'est difficile de les remettre en prison. Donc quand les deux reviennent en 1972, après deux ans d'exil, deux ans, même trois, comment ça, ils sont en 69, mais ils sont acclamés, mais c'est, ils sont attendus, comme, on ne peut même pas imaginer la gloire qui va leur advenir. Enfin, ils sont de retour. Et Gilberto Gil va signer immédiatement un disque qui va devenir un tube incroyable. Et dans la foulée, c'est Caetano qui, lui, va enfin proposer le disque de son retour. Et le disque de son retour, c'est celui qu'on va écouter aujourd'hui, Arancha Azul. Avant même qu'il soit sorti, c'est la queue chez tous les disquaires pour acheter immédiatement ce disque-là, au cas où il n'y en aurait pas assez. Enfin, Caetano revient. Enfin, enfin. Mais aïe. Aïe. Il revient pas où on l'attendait. Certains ne lui pardonnent toujours pas. J'exagère pas. Ou en tout cas si peu. Et le disque que je vous livre aujourd'hui reste encore un ovni difficilement compréhensible. Et pourtant, je reste persuadé qu'il est un pur disque de musique brésilienne, mais simplement, il faut savoir le deviner. Arancha Azul, il faut commencer par sa pochette, montre une photo de Caetano lui-même, avec une photo prise en contre-plongée sur lui-même, nu ou presque, avec un slip rouge, slip brésilien, comme il va bientôt se le dire, tout ça mettant relativement bien en avant toute la morphologie du jeune homme, il est tout jeune, tout beau, tout petit bidon, mais c'est plutôt l'effet de la photo qui fait ça. On devine en arrière-plan justement cette image très tropicale, et pas tropicaliste, attention, d'une plage en arrière-plan, le bouclette intérieur, la pochette intérieure d'ailleurs montrera ça encore mieux, et puis les palmiers, quoi. Donc oui, a priori une carte postale. Après la grisaille de Londres, c'est le retour à la plage. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que cache le disque? Je vous le dis un petit peu, mais c'est à l'écoute, hein, vous allez comprendre ce qui se passe. C'est l'album le plus expérimental de Caetano Veloso. Un album supposé difficile, et probablement le plus difficile et le plus étrange qui soit jamais sorti du giron, si vous voulez, brésilien. A priori, il y a très peu de similitudes avec le rock, la pop. La bossa, évidemment. Hein. Quand bien même on fait du rock, du psychédélisme, de la bossa, ou de la n'importe quelle musique, si vous voulez, nourrir l'étranger, la musique brésilienne a toujours gardé en nombre, en figure tutélaire, en espèce de fantôme bienveillant, la bossa, c'est la musique elle-même, typiquement brésilienne. Elle disparaît jamais. Et vous allez voir que dans cet album-là, la bossa non plus ne disparaît pas. Mais elle devient totalement diaphane, quasi crépusculaire, annonné dans des psalmodies vocales qui n'ont parfois pas de sens. Finalement, on est dans un terrain qui est celui de la poésie sonore. On est dans un terrain qui est dans celui du studio. Il y a un gros travail sur le studio. Il a profité d'un studio 8 pistes à Sao Paulo, à ce moment-là, qui a été au Veloso. Alors bon, 8 pistes, c'est confortable pour l'époque. Tout le monde n'a pas un 8 pistes. On est en 73, vous voyez. Ça devient beaucoup plus commun par la suite, mais voilà. Et puis, il y a un jeu, il y a un vrai plaisir, justement, à jouer comme ça d'emprunt à de poésie sonore, de tape musique, mais aussi de musique très locale, de musique purement afro-brésilienne ou bien afro-caribéenne. Veloso est originaire de Bahia, il faut le dire. Voilà, c'est un grand, grand pays, le Brésil. Il y a des musiques plus ou moins marquées selon l'endroit où vous êtes. Et à Bahia, il y a quelque chose de très africain à Bahia. Il y a un rapport avec la percussion. Il y a des choses assez typées qu'en fait on va retrouver dans cet album-là. Mais vous allez le voir, un album qui finalement laisse sans voix, hein, j'ai envie de dire. Il y a une très grande richesse harmonique, quand bien même elle peut s'avérer totalement disharmonique. des arrangements luxuriants, mais dans une forme de minimalisme totalement assuré. Je reparlerai des arrangements, hein, parce que c'est Rogério Dupra qui est derrière ça. C'est quelqu'un qui va accompagner tout le tropicalisme, mais qui est aussi quelqu'un qui figure comme compositeur quasi officiel de plein de musiques de films à l'époque. C'est un peu le grand Michel Legrand brésilien, si vous voulez. Il est déjà là, mais il va trouver chez les tropicalistes, donc ceux que j'ai nommés, Caetano Veloso en tête, mais Gilberto Gil aussi, Josh Mittensch, Gal Costa, des élateurs de quelque chose qui a besoin finalement d'être soutenu, notamment par le travail d'arrangement assez incroyable de Dupra. Ah, alors Caetano Veloso, il est pour certains au sommet d'une désinvolture et d'une envie de perturber volontairement les oreilles de ses condisciples, quoi. Il l'annonce en toutes lettres à l'intérieur, c'est un album pour connaisseurs. Voilà, c'est presque arrogant, si vous voulez. Il y a une légende et qui s'avère finalement vraie, parce que j'ai demandé à des locaux, oui, il y avait des émeutes pour rapporter ce disque chez le disquaire. Et pour les raisons que j'évoquais, un, tout d'un coup, il était honteux vis-à-vis de la cause brésilienne, alors qu'en fait, croyez-moi, il n'est pas. Et puis deux, il décevait, parce que c'était le retour de l'enfant prodige au pays, et tout d'un coup, voilà, on aurait pu s'attendre à quelque chose de typiquement tropicaliste, des belles bossas joliment arpentées, et des choses dans lesquelles Caetano Veloso est absolument bon. Il le sera, il continuera là. Mais ce disque, cette erreur de parcours, est en fait un gemme. C'est quelque chose d'absolument sublime. Alors vous allez voir, on y entend, tout tourne autour de la voix, et c'est important, et dans son sens poésie sonore, mais il y a aussi bien sûr des paroles, il y a des élans très psychédéliques, il y a une chanson en hommage à son copain Gilberto Gil, mais qui ne ressemble pas du tout à la musique que fait Gilberto Gil, des titres d'une minute, d'autres de plus de 10, tout ça est d'un charme absolument vénéneux. C'est un disque calme, il ne faut pas y voir, de l'âpreté, pas même de la revanche, alors que, ma foi, elle serait plutôt légitime du côté de cette bande-là et à ce moment-là. Non, il faut en voir une expression absolument formidable, un des disques les plus extraterrestres de la création, et croyez-moi, probablement à un moment où le pays, où les Brésiliens et où toute la musique, dans son sens le plus global, avait vraiment besoin de ça. C'est Cargo Cult, bienvenue dans ce Arancha Azul de Caetano Veloso, 1973. Vou-me embora pro sertão, ô viola, meu bem, ô viola. Eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, ô viola. Sou empregado da leste, sou maquinista do trem. Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem. Ô viola, meu bem, viola. Ô viola, meu bem, viola. Ô viola, bem. Mas não, ele disse que não ia. Você tá dormindo por mim. Pensando que a gente se entende. Tu me acostumbraste a todas essas coisas e tu me enseñaste que son maravillosas. Sutil, llegaste a mí como una tentación, llenando de

Do marido zarengue

só pra passar fevereiro em Santo Amaro, só pra passar fevereiro em Santo Amaro, pra passar fevereiro em Santo Amaro. Uma talvez, Júlia. Uma talvez, Júlia, não. Uma talvez, Júlia, não tem. Uma talvez, Júlia, não tem nada. Júlia não tem nada a ver. Uma talvez, Júlia não tem nada a ver com isso. Uma Júlia, um que sa moreno, um que sa moreno nem. Que sa moreno nem vai. Que sa moreno nem vai querer. Que sa moreno nem vai querer saber. Que sa moreno nem vai querer saber qual era. Talvez, Júlia. Uma talvez, Júlia, não. Uma talvez, Júlia, não tem. Uma talvez, Júlia, não tem nada. Júlia não tem nada a ver. Uma talvez, Júlia não tem nada a ver com isso. Uma Júlia, um que sa moreno, um que sa moreno nem. Que sa moreno nem vai. Que sa moreno nem vai querer. Que sa moreno nem vai querer saber. Que sa moreno nem vai querer saber qual era. Até as revistas de Walt Disney contra a poluição. Ei, Hermes. Musaque, razão. Sinto frio, nordestino do Brasil. Vivo entre São Paulo e Rio, porque não posso chorar. Faço, não peço, tenho direito ao avesso. Botei todos os fracassos nas paradas de sucesso. Aracha Azul, l'orange bleu, je crois qu'on peut, on peut le traduire ainsi. Cette merveilleuse touche de fin donc, et du superbe album éponyme de Caetano Veloso, 1973. C'était notre cargo cul du jour. Cette petite chanson, chansonnette, elle fait 1 minute 20. C'est peut-être la seule qui soit à peu près structurée comme une chanson, en tout cas la promesse d'une chanson. Et on a vu que tout le reste dans ce disque-là oscillait entre des ruptures, des écarts dynamiques assez incroyables, et pour le peu fantastiques, parce qu'ils sont pour le moins inattendus. Cette stéréo très très large et finalement qui n'hésite pas à mettre tout à fait à droite une mélopée, alors qu'à gauche on mettra une partie rythmique, et plus souvent vocalisée par Caetano lui-même. Mettez autour de tout ça quelques... C'est pas très précis, mais il y a quelques instruments un petit peu au med, une sorte de lutherie notamment un piano, mais qui est un peu un piano de gosse, quoi. Et puis d'autres instruments qu'on ne connaît pas, des cordes qui vibrent, et etc. Je reste relativement sans voix hein, devant ce disque qui justement tourne principalement autour de la voix, mais beaucoup de choses, qui profite pleinement du confort d'un 8-pistes, finalement. Mais il y a quelque chose qui tient du home studio aussi dans ce disque-là. Quand bien même un studio 8-pistes à l'époque, c'est pas le commun de tout le monde, ça on s'en doute. Caetano est quasiment tout seul. Et cette notion de bricolage, de l'overdub et de profiter à plein justement des possibilités d'un studio, on dit relativement long, quoi. 73. C'est un peu l'année bénite hein, pour la musique brésilienne, parce qu'il y a plein de disques très forts qui sortent cette année-là. Gal Costa. Une comparse, une chanteuse bien sûr ultra, ultra connue aussi, qui va devenir une des gloires issue du tropicalisme, sort son album India, probablement le meilleur, cette même année-là. Disque produit par Gilberto Gil. Gilberto Gil, lui, sort encore un disque. J'ai envie de dire encore, mais pour le peu, ça y est, on deviendra assez habitué au style Gilberto Gil. Ça le mènera jusqu'au ministère de la Culture sous Lula, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Tom Zé sort aussi un disque absolument formidable, Todos os Olhos, qui est aussi quelque chose d'essentiel. Voilà, j'en oublie sûrement, quoi. Revenons sur ce qui constitue ce disque, c'est-à-dire à la fois les Beatles et à la fois la musique concrète. Je fais exprès un grand écart. Mais alors, sur les Beatles, il y a quand même un morceau qui s'appelle, et c'est un des morceaux les plus alambiqués de l'album. Vous avez entendu ce morceau de 10 minutes qui, justement, des fractures. Quand je parlais de cette stéréo très écartée, elle l'est principalement sur ce morceau-là, qui dure plus de 10 minutes et qui s'appelle Sugar Cane Fields Forever. Sugar Cane Fields Forever. Évidemment, ça nous renvoie au Strawberry Field Forever. Chansonnette des Beatles, mais qui doit aussi à l'expérimentation et notamment à l'usage du mélotron, qui était quelque chose d'assez pionnier au moment où les Beatles font ce morceau-là, quoi. Donc, il y a par contre à l'opposé, et ça c'est relativement moins su et moins détaillé sur la musique brésilienne, des influences à la fois académiques mais post-académiques et dans ces retranchements finalement les plus expérimentaux qui méritent d'être signalés. Et là, ces informations, je les dois à Simone Takahashi, qui a fait une série de conférences assez remarquables. Il y en a des traces en ligne, donc n'hésitez pas à chercher ça, en parlant justement des racines insoupçonnées du tropicalisme, et notamment de l'importance de la Suisse dans la culture brésilienne. Et alors, dans la culture, au sens très large, parce qu'en fait, les rouages économiques, la culture, la chanson auprès des artistes que j'ai nommés là, va devoir pas mal à quelques grandes figures suisses et des intellectuels plutôt engagés, mais dans son fonctionnement social aussi. Donc, j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire. Et cet rapprochement entre la Suisse et le Brésil est absolument passionnant et qui révèle des choses plutôt insoupçonnées. Interrogez votre moteur de recherche préféré et cherchez cette lecture de Simone Takahashi qui est extrêmement passionnante et plutôt très documentée sur le truc-là. Je la commenterai pas, mais par contre, je reprendrai quelques-unes de ces informations, notamment sur l'importance qu'a pu avoir l'Université fédérale des arts de Bahia. Bahia, c'est le fief de Caetano Veloso à la base, mais beaucoup d'autres étudiants vont y passer. Tom Zé, je le nommais, Gilberto Gil. Et j'en oublie, mais voilà, trois figures absolument majeures. À la tête du département de la musique, justement, c'est un compositeur suisse, Ernst Widmer, qui est invité à enseigner un séminaire de musique libre. Il faut insister sur ce mot-là, en musique libre. Et on est en 1956. Et Widmer va occuper pas mal de fonctions, en fait, à l'université. Il enseigne le piano, l'harmonie, le contrepoint, beaucoup de théories et d'analyses. Mais il y a aussi dans son enseignement un enseignement spirituel, anthropologique, et pour le peu très sourcé, finalement, dans l'histoire du Brésil et des tribus brésiliennes. Et tout ça mène, finalement, à une forme d'enseignement politique. Sa pédagogie sera donc à la fois spirituelle, politique et au plus proche de l'improvisation. Alors que le free jazz n'existe pas encore. Je parle d'un enseignement qui date du milieu des années 50 et de la deuxième partie des années 50. Bah, les élèves que j'ai cités, évidemment, vont devenir un petit peu des figures. Walter Smetak, qui est aussi quelqu'un qui laissera trace discographique, est convoqué à cet enseignement-là. C'est pareil, il est suisse. Il a émigré de Zurich très très tôt, mais il s'installe donc justement à Bahia, Salvador de Bahia. Et même chose, mêmes élèves, Gilberto Gil, Tom Zé. Et même un disque qui va être produit par Veloso, produit et monté, édité par Veloso en 1974. C'est aussi quelque chose qu'on aurait peut-être pu signaler, du coup j'en profite pour le faire, avec le Atacha Azul qu'on vient d'écouter de 1973. C'est aussi un disque qui tient du montage, dans une science du montage, d'une organisation radiophonique, d'une forme de Hörspiel sous couvert de bossa nova fantôme et de bruit magique, quoi. Bah, cette tendance-là, elle va peut-être être encore plus marquée par l'extrait sonore que je vous fais écouter, justement, de Walter Smetak. Là, on est en plein pied dans la musique contemporaine. On frôle l'atonalisme. Et pour le peu, on est dans une apparence un petit peu plus aride. Mais c'est extrêmement intéressant de savoir qu'effectivement, Caetano Veloso est aux manettes de ça, en tant que producteur, en tant qu'éditeur. Et quelquefois, il renvoie la monnaie de sa pièce, finalement, à son enseignant. Et le geste est assez beau. Je vous en livre un extrait qui nous permettra de dire au revoir. Et puis bah, après, un deuxième extrait de quelque chose de très différent, parce que pour partir finalement avec une reprise. Mais je reviendrai dessus là. Alors, justement, Smetak, avec ce disque un petit peu ovni, c'est pas un disque qui fera l'histoire comme le Caetano Veloso l'a fait. Parce que même dans son insuccès, même dans son échec quasiment autoproclamé par Caetano Veloso en 1973, ce disque fait l'histoire. Et bien sûr, à rebours, et au fur et à mesure des rééditions qui vont commencer à pleuvoir à partir des années 2000, ce disque sera définitivement dans l'histoire, on vient de s'en convaincre. Quelqu'un oublié par l'histoire, mais qui pourtant a participé à la fabriquer parce qu'il a formé justement les artistes importants dont je parle aujourd'hui, Caetano Veloso en tête, Walter Smetak en 1974. Thank you. Voilà, musique brésilienne pour le peu très, très, très à l'écart des sentiers battus. Walter Smetak, c'est le professeur de cette génération-là. C'est la figure de l'ombre, enfin, une des principales figures de l'ombre et initiateur du tropicalisme. Sans Smetak, et puis sans Ernest Wilmer, que je nommais, donc tous les deux Suisses, il n'y aurait pas eu ce tropicalisme-là. Il n'y aurait pas eu cette génération-là. Elle ne serait certainement pas arrivée de la même manière, elle n'aurait pas fait corps de la même manière. Et donc, ce disque-là est produit par Caetano Veloso juste l'année qui suit l'apparition de Racha Azul qu'on écoutait auparavant. On voit très très bien ce jeu d'influence réciproque. Donc oui, il y a aussi cette influence-là quasiment cadjienne et post-concrète dans le tropicalisme. Et ma foi, au jeu des influences, autant aller faire le grand écart et chercher même celles qui sont des influences à rebours. Mais Françoise Hardy, oui, je répète, Françoise Hardy a été, au moins provisoirement, une influence du tropicalisme. Et afin de se quitter pour le peu avec une réelle chanson et une vraie reprise, parce que le tropicalisme a été très très friand des reprises. Croyez-moi que les Beatles ont tellement influencé aussi cette génération-là que ça y allait des reprises. Mais on peut dire d'une certaine manière une humeur yéyé, quoi. Et comme on avait commencé ce programme Tropicalia, avec vraiment le morceau phare, le morceau titre du Pins et des Jeux par Les Mutants, Osh Mutange, un groupe assez majeur. Eux, c'était les Beatles brésiliens, comme ils se le disaient bien, quoi. Menés par deux frères et puis la chanteuse Rita Lee qui formait un trio absolument impeccable. On va les voir ici, dans cette reprise absolument doucereuse, jolie, jolie, et de fait un très joli morceau à l'origine de Françoise Hardy. Le premier bonheur du jour. Et nous concernant, ce sera le dernier bonheur de ce cargo culte. Merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. Parapam, parararara, parararara. Don't.